FrenchPod.com. Est-ce que tu as vu la nouvelle coupe de Béatrice ? Oui, si j'avais la même coupe, je n'oserais pas sortir de chez moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait ? Elle a demandé au coiffeur de lui faire une couleur brune avec des mèches blondes. Mais le coiffeur a voulu être créatif et elle est ressortie avec ça. Oh là là, c'est encore pire que la permanente qu'elle avait faite la dernière fois. Je ne vois qu'une solution. Il faut qu'elle se rase la tête.